Je voudrais faire deux observations. À vrai dire, le débat est en train de se focaliser sur le premier des exposés. Je crois qu'il y a des raisons à ça, puisqu'il y a une sorte d'enjeu, comment dirais-je, politique, c'est vrai, direct, dans ce débat. Moi, il y a deux points qui me gênent à écouter François Vatin tout à l'heure, et je voudrais essayer de les formuler. Sur le diagnostic, ça, je crois qu'il y a... un énorme travail qui a été fait et une description sur laquelle on peut être en accord. Mais deux points me font problème. Le premier, c'est quel est l'objectif ? Revaloriser l'université ou bien donner, pardonnez-moi ces propos un peu pompeux, à la jeunesse française le niveau de formation supérieure dont elle a besoin ? On est dans un pays où, globalement, le taux de diplômés de l'enseignement supérieur est substantiellement inférieur. Vous y faisiez référence tout à l'heure, à des pays de développement comparables. Le problème, c'est comment faire pour changer ça. Et à l'intérieur de ce débat général, essayer effectivement de rééquilibrer, sans doute, c'est nécessaire, entre des formations où on apprend à travailler et des formations où on apprend à penser, ce qui est quand même absolument crucial. Donc, si c'est ça, à ce moment-là, votre proposition qui instaure la sélectivité en année 1 après l'année 0 ne va absolument pas dans cette direction. Voilà. Donc là, il y a un vrai problème. Deuxième problème, à mon avis, c'est que, ma foi, ce que vous proposez est parfaitement acceptable par Mme Pécresse. Vous nous dites, le principal reproche que je fais à nos gouvernants, c'est de s'occuper que de l'université. Non, non. S'ils s'occupaient que de l'université, ce serait merveilleux, je veux dire. Non, ce que font nos gouvernants actuellement, c'est difficile à résumer en une phrase, mais enfin, je crois qu'on commence à avoir une certaine expérience, c'est redéfinir en profondeur les finalités du système de formation et de recherche pour transformer les universités en entreprises et le savoir en outil piloté par la politique, disons les choses simplement. Donc, par conséquent, on ne peut pas penser une réforme dans un ciel, dans une conjoncture indéfinie, dans un ciel abstrait. On est dans une bataille très précise, où nous avons en face de nous des adversaires puissants qui ont marqué des points considérables. Et sur ça, j'entends votre silence. Et je suis étonné, parce que, en fait, ce que vous proposez, coordonner l'ensemble des éléments du système d'enseignement supérieur, ça va nous faire une bureaucratie de plus, et c'est vraiment pas ça dont on a besoin aujourd'hui. Et au fond, votre proposition essentielle, c'est instaurer le numerus clausus en année 2. Eh bien, ça, Pécresse voudrait le faire, simplement, elle n'ose pas, parce qu'elle a peur des étudiants. Et heureusement, ils sont là, et ils empêcheront que ce programme soit appliqué aujourd'hui et demain. Donc voilà un peu mes pourquoi vous parlez de numerus clausus ?